Exercice 3, page 22. A. France. Transformer. Français. B. Chine. Transformer. Chinois. C. Tchad. Transformer. Tchadien. D. Mexique. Transformer. Mexicain. E. Espagne. Transformer. Espagnol. F. Japon. Transformer. Japonais. G. Sénégal. Transformer. Sénégalais. H. Équateur. Transformer. Équatorien. I. Jamaïque. Transformer. Jamaïcain.